Estamos de regreso con ustedes, estimados amigos del tren. Gracias por estar con nosotros. On se ve l'après midi du dimanche. Une autre chanson de Charles Aznavour, très douce là. Il nous parle de ce de deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre, mais en jeu, l'un d'eux a quitté leur nid. Et l'autre passant de nuit longue attendant son retour. Écoutons-le chanter. Deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, mais l'un d'eux a quitté leur toit. Ils sont longs les jours de l'attente, et longues sont les nuits sans toi. Un pigeon regrettait son frère, moi je regrette mon bel amour. Comme lui, j'attends un bruit d'aile, le doux bruit d'aile de son retour. J'ai laissé partir avec elle le bonheur qui nous était dû sur le chemin du temps perdu. Amant, heureux amant, redites-le souvent. Une absence est toujours trop longue. Rien ne sert de courir le monde. L'amour passe et les feuilles tombent quand tourne la rose des vents. Le pigeon s'aimait d'amour tendre, mais l'un d'eux a quitté leur toit. Ils sont longs les jours de l'attente, et longues sont les nuits sans toi. Un pigeon regrettait son frère, moi je regrette mon bel amour. Comme lui, j'attends un bruit d'aile, le doux bruit d'aile de son retour. J'ai laissé partir avec elle le bonheur qui nous était dû sur le chemin du temps perdu. On n'est jamais là d'écouter. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Oui, c'est la chanson de Madame Édith Piaf. Ce sont des chansons immortelles et ne passeront jamais d'époque. Et plus on les écoute, plus on les apprécie. Car on compare avec la musique d'aujourd'hui. Mon Dieu! À comparer cette musique avec la banda, la quebradita, etc. Non, mais que cosa. Enfin, à chacun son goût, non? Écoutons plutôt Édith Piaf nous chanter cet après-midi dans le train. Non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allume.

Te gusta más vivir, ¿eh? Ajá. Vivir de placer, pero no, no, de no, placer, no. No. Ok. Entonces, on ne va pas mourir de plaisir, ¿eh? On va seulement faire comme Roméo y Juliette, ¿eh? ¿Eh? Quiere ser como Roméo y Julieta, ¿no? Tal vez. Tal vez. Tal vez, ¿eh? Solamente por el teatro, ¿no? Ah, sí. Para los, para la vida cotidiana, ¿no? Es, no. Tú no eres de eso, ¿no? No. No, tú eres para la vida, ¿eh? Ok. Moi, je préfère rester en vie. La vie a toute allure, comme Ricky Martin, la vida loca, ¿eh? ¿Te gustaría la vida loca? No, no, no me gusta la vida loca. No, no, la vida loca. Mm-mm. Tranquilamente. Sí. Sí, ay, qué bueno. Bueno, a mí me gusta la vida loca, como Ricky Martin, como Don Antonio, como Toño, la vida loca, ¿no, Toño? Ay, qué bueno. No, Toño es muy tranquilo. Ok, vamos a escuchar la canción que se titula Morir de Plaisir. La próxima canción que vamos a escuchar es muy interesante. C'est l'histoire de Dalida qui a oublié qu'elle avait le double de l'âge de jeune homme avec qui elle a eu une affaire amoureuse et elle nous raconte cette aventure amoureuse. Tu sais, cette chanson, c'est l'histoire de Dalida et qui s'est amourachée d'un jeune homme qui a 18 ans. Et tu sais, voilà, c'est passé quelque chose. Et puis après, quand elle se lève du lit, elle se regarde dans le miroir et elle voit que, elle se souvient qu'elle avait deux fois 18 ans. Parce que le petit bonhomme avait 18 ans et elle avait deux fois près de 40 ans. Donc c'est l'histoire qu'elle raconte maintenant, son aventure avec le jeune homme de 18 ans. Donc, le titre de la chanson, c'est « Il venait d'avoir 18 ans ». Il venait d'avoir 18 ans.

il ressemble à tes 20 ans. Au soleil qui tendrement nous fait oublier le temps. Claude Valade, qui est du Canada, est avec nous ce soir dans le train. Et pour cela, elle nous chantera une très belle mélodie. Elle veut que je reste avec elle pour l'aider à passer la nuit. Mais malheureusement, j'ai pas pu. Et le titre de la chanson est « Aide-moi à passer la nuit ». Ta main dans mes cheveux, parle-moi dans un murmure, je veux fondre dans tes yeux comme les ombres sur le mur. Viens t'étendre près de moi, mets ton corps tout près du mien, passe la nuit dans mes bras, aime-moi jusqu'à demain. Je ne sais si c'est bien. Il faudra que je l'oublie. C'est trop triste d'être seul. Aide-moi à passer la nuit. Je ne sais si c'est bien. Il faudra que je l'oublie. C'est trop triste d'être seul. Aide-moi à passer la nuit. Non, je ne veux pas être seul. Aide-moi à passer la nuit. Y como todas las cosas buenas tienen un fin, así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Con mucha pena en el corazón diremos adiós a ustedes, pero un adiós que no será largo porque nos veremos el domingo próximo en la misma frecuencia, el 820 AM de la radio UDO, para presentar, como siempre, un programa parecido a este. Daniel Fouché y yo, Alejandra Trasviña, hoy al timón, nos despedimos diciendo muy buenas tardes, muy buen fin de semana y hasta pronto. Adiós. Ok, bon, sí, je vous dis bonsoir, je vous dis bon après-midi, bonne fin de semaine et bonne semaine. On se verra dimanche prochain à partir de 4 heures sur les ondes de la UDO, la 820 AM, la grande. Buenas noches. Bye bye. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Mise à l'index, nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Vous venez d'écouter notre programme Les Trains de la Musique, qui vous a été présenté par Daniel Fouché. Soyez avec nous dimanche prochain pour un programme similaire. Bonsoir et à dimanche.